Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. C'est parti maintenant pour l'info en trop. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Bon, un peu comme toutes les heures quoi. Voilà. Après avoir terminé Scary Movie 5, Charlie Sheen veut changer de vie. Et oui, Charlie Sheen veut aller vivre à Pékin. Le foot va bientôt connaître une équipe de rêve qui va démarrer en fanfare. Ronaldo, Messi et Touré, encore un effort et on aura la partition musicale parfaite. Après avoir joué dans Terminator et dans Batman, Christian Bale va changer de carrière. Christian Bale va jouer au tennis. Tragédie. Est-ce que tu Et pour terminer, si vous aimez l'immobilier et les sous-vêtements, achetez-vous un appartement en rez-de-chaussée. C'est nul. C'est pas nul, c'est très très nul. Magnifique. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah non, t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs, le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. On va faire un point ce matin sur... Bienvenue dans Qui veut épouser mon fils. Et oui, et on va commencer en musique avec Frédéric, le bidochon de l'émission, hein, qui est un très grand chanteur. Alors on va voir si vous reconnaissez la chanson. Vous avez des enfoirés, des vapeurs, des voyeurs. Oh putain. Ouais. C'était écrit. Ouais, c'était pas écrit que tu chantais bien, hein, ça c'était une évidence même. Pourtant, toi qui es spécialiste dans la chanson française, bah oui, c'est pour ça. C'était La cavale du pêcheur. Enfin, c'était pas cette chanson-là, mais c'est le même chanteur. Bah oui, Francis Cabrel. Allez, on essaye avec une autre. Ah, ça je reconnais. Ah. Tabernacle, c'est qu'est-ce qu'il chante mal? Qu'est-ce qu'il chante mal, hein? Dis donc, il imite mal, hein? Bon, on se moque de Frédéric, mais Morgane, qui était censé être un virtuose, c'est pas beaucoup mieux, hein? Non, pardon. Oh là là. C'est une nouvelle version, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, c'était la chanson de Titanic. Titanic ? Bah oui, d'accord, mais c'est Dion. Lui, c'est quoi ce truc ? Ah bah non, ah ouais, bah lui, c'est un truc. Alors pour c'est Morgane, hein, faut le voir. Ouais. Pour ceux qui suivent l'émission, là, vous savez qu'entre la mère de Morgane et Karen, c'est pas le grand amour. Et donc Pascal, sa maman, donc, a décidé de le dire une bonne fois pour toutes à Karen. Hein. Bon, Karen, il faut que je vous dise, de toute façon, ça colle pas entre nous depuis le début. Bon, vous êtes peut-être quelqu'un de bien, mais moi, je trouve que non, vous n'avez quand même rien à voir, rien à faire avec mon fils. Ah oui, voilà. Et alors, pour être sûr qu'elle a bien compris, elle a remis une petite couche, hein, toujours dans la gentillesse et la sympathie. Vous n'êtes pas du tout la belle fille que je m'étais imaginée. Non, ça n'ira pas, ça pourra pas marcher. Voilà. Je le sens pas. Non, ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. Et là, la mère ne comprend pas, évidemment. Elle est complètement scotchée. Karen, je l'ai un peu incitée, c'est vrai, à partir. Mais enfin, c'est quand même elle qui a décidé de partir. Mais c'est sûr que je l'ai pas retenue. Bah, c'est vrai qu'elle. Mais oui, je comprends pas pourquoi elle est partie. Après autant d'amour, c'est étrange qu'elle soit partie. C'est incompréhensible. Oui. Alors que moi, j'aurais fait péter le champagne. Bah voilà. Et pour finir, le mot du jour qu'on doit évidemment à David. À cette infinissable journée. Eh oui, infinissable journée. Voilà. Et donc, ce sera mon Bechrel Game, hein. Infinissable. Il faudra me conjuguer le verbe infinissable. J'infinisse, tu infinisses. Voilà, c'est pas mal. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h, 9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Si tu tiens une minute sans dire oui, sans dire non et sans dire Mont, M-O-N. Ouais. D'accord. Voilà, si tu peux pas dire le Mont Blanc non plus. M-O-N-T, ça marche pas non plus. D'accord. Voilà. Bref, tu ne peux pas dire Mont. Donc, ni oui, ni non, ni Mont. Ça va, c'est pas trop compliqué ce matin. Hein. Eh bien, si tu arrives à tenir une minute sans dire ces trois mots, mais en revanche, en faisant tout pour que Aline les donne, ces mots justement, eh bien, tu gagnes. D'accord ? Voilà, ok. Allez, c'est parti. Une minute, bonne chance. Go. Sophie ? Oui. Ah, bah ah là là là là. Sophie, mais c'est qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est la vie. C'est le stress. Mais c'est dingue. Ah là là, c'est dur quand même. Je suis désolée. Ah, bon bah Sophie, malheureusement c'est perdu. C'est rien, y'a pas de problème. Bah désolé, hein. Désolé Sophie. Bon, et bah écoute, bonne journée, tu reviens quand tu veux, hein. Ok, bonne Allez, journée. À bientôt. Salut Sophie. Ciao, bye bye. C'est ce qu'on appelle un jeu rapide. Oui, c'est clair. Alors, on a été au top. Bon, mais vous pouvez le dire, j'ai gagné. Ouais, bah t'as pas perdu quoi. Non, j'ai pas perdu. Voilà, c'est ça. Mickaël à la radio. Le replay. L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous. Vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Question existentielle, donc ce matin, nous allons appeler à Ornuche. Pourquoi faire ? Eh ben, en fait, parce que je me suis demandé à quoi ça servait de. Eh bien, vous avez été gentil de mettre pause au moins. Ouais, c'est ça, ils sont en train de jouer à FRA Stars depuis 7h. Et donc là, ils ont quand même dit ah, on va quand même parler, on va mettre pause. Hein, non, bon. Pas du tout. D'abord, je viens de la déglinguer. Non, hein, c'est je vrai. Je viens de terminer 4ème alors qu'elle a terminé. Trop loin, très loin. 10ème. Voilà, pas mal. Donc voilà. Donc je me demandais donc pourquoi est-ce qu'on engageait des chercheurs alors que si on engageait des trouveurs on gagnerait beaucoup de temps. Ouais, mais je suis pas trop d'accord avec ça, hein, parce que bon forcément si on cherche pas on trouve pas. Bah oui mais une fois qu'on a trouvé il y a plus besoin de chercher. Certes. Bon on va appeler voilà. Ornu, on va leur poser la question, ce sera plus simple. Allez, c'est parti, direction Ornu maintenant. Alors Ornu, y a personne ou quoi? Allô. Ah voilà. Oui, bonjour. Allô. Madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Oui, ben, qu'est-ce que vous voulez ? Ben, en fait, voilà, je me demandais, pourquoi est-ce qu'on engage des chercheurs, alors que si on engageait des trouveurs, ça irait quand même plus vite ? Écoutez, vous moquez du monde. Mais pas du tout, madame, pourquoi vous dites ça ? Visiblement, tu te moques un peu du monde. Mais pas du tout. C'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? On rappelle à Ornu. Oui, qu'est-ce que c'est ? Ben, excusez-moi, mais nous avons été coupés, vous n'avez pas le temps de répondre à ma question. Oui, mais qui êtes-vous tout d'abord ? Ben, je suis Toff. Et vous, qui êtes-vous ? Eh ben, ça ne vous regarde pas. Bah, enfin... vous me dérangez, écoutez, laissez-moi ça. Ah, c'est raccrochonné. Oh là là. Elle s'est raccrochée au nez, donc effectivement, ça le mérite d'être clair. On la rappelle. Encore. Ah oui. Bon, qu'est-ce que c'est ? Allô ? Oui, bonjour monsieur. Vous exagérez, hein, quand même. Ben, pas du tout, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Vous savez quelle heure il est ? Mais oui, monsieur. Alors, pourquoi vous appelez ? Ben, parce que j'avais une question à vous poser. Allez, posez votre question. Ben, en fait, voilà, je me demandais, pourquoi est-ce qu'on engage des chercheurs, alors que si on engageait des trouveurs, bah, ça irait beaucoup plus vite, quand même. Ça ne me fait pas rire. Bon, bah, tant pis. Déçu. Hein. Bah, c'est ça, je suis assez déçu également. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, enfin. Moi, c'est comme ça, hein. Mickaël, à la radio, le replay.